France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Ils n'aiment pas les enfants. Je préfère n'en pas parler, dit Paul Léoto à Robert Mallet lors de leurs entretiens de 1951. J'éclate de rire quand je vois des commères assemblées autour d'un berceau où se trouve un objet de 3 mois et qui lui font des grâces. Je trouve ça bouffon, bouffon. Je n'embrasserai pas ça pour tout l'or du monde. Pourquoi, demande Robert Mallet, je vous ai vu embrasser des chats? Un chat est moins malpropre qu'un enfant de 3 mois. Je tiens de plus que les enfants sont cruels, oui, fourbes, menteurs, hypocrites, lui répond Léoto. Citation un peu longue, pensez-vous, des entretiens Paul Léoto, Robert Mallet, autant les entendre, eux, dans cet échange musclé. Oui, mais cet échange se lit dans le volume des entretiens publiés par le Mercure de France, mais ne s'entend pas dans les entretiens radiophoniques. Robert Mallet le signale dans son introduction éditoriale, il y a eu quelques coupures, il eût fallu, sinon, des heures et des heures sur les ondes nationales, des heures de plus. Ne vous inquiétez pas, ce qui existe et ce qui suit est savoureux, diffusé pour la première fois sur les ondes nationales en février 1951. La radiodiffusion française présente... Entretien avec Paul Léoto. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Vous avez écrit, je ne crains pas de le dire, une société n'est pas complètement civilisée s'il n'y a pas dans cette société la notion et la pratique des devoirs envers les animaux. Quels sont, d'après vous, monsieur Léoto, les devoirs qu'une société doit pratiquer à l'égard des animaux? Ben, n'est-ce pas, je vais encore répondre, peut-être pas absolument à ce que vous demandez, mais enfin, à des choses qui me sont revenues concernant les animaux. Je commence par dire que je n'ai absolument rien contre les gens qui ne s'intéressent pas aux animaux et qui n'en veulent pas chez eux. Ce que je réprouve et ce que je trouve une action abominable, ce sont les gens qui prennent un animal, chien ou chat, par fantaisie, et qui, lorsque la fantaisie est passée, le jettent à la rue. Je trouve, n'est-ce pas, qu'on n'a pas le droit de jouer comme ça avec des êtres qui sont sensibles, qui peuvent souffrir, et qui, de plus, s'attachent généralement si profondément à ce qu'on appelle leur maître. Ainsi, je me rappelle qu'il y a, si vous voulez, assez de temps, n'est-ce pas, il a paru dans les journaux ce fait divers qu'un homme dans les environs de Paris avait pris la résolution de noyer son chien. Alors, il est allé au bord de cette rivière ou de ce fleuve, la Marne, ou je ne sais plus, n'est-ce pas, et à 3 reprises, il a jeté violemment ce chien à l'eau. Et le chien revenait toujours sur la berge. À la 4e fois, cet homme était tellement furieux, n'est-ce pas, qu'il a fait un tel effort que lui-même aussi est tombé dans l'eau. Et le chien l'a ramené sur le rivage. C'est encore le chien qui l'a tiré d'affaire. Alors, j'ai aussi à dire, n'est-ce pas, que les premiers pourvoyeurs de la fourrière, ce sont les gens qui ont des bêtes et qui ne veillent pas à leur sécurité, n'est-ce pas? Par exemple, le règlement de la fourrière dit que tout chien capturé, s'il a un collier avec le nom de son maître et son adresse, avant le départ en fourrière, car tous les chiens capturés sont d'abord versés au commissariat de police du quartier où on les prend. Alors, avant le départ en fourrière, on prévient le possesseur que son chien est là et qu'il vienne le reprendre. Eh bien, n'est-ce pas, moi qui ai fait beaucoup de propagande pour ça, j'ai trouvé généralement des gens qui m'ont dit « Monsieur, il ne se perdra jamais », ce qui est une ineptie. Moi, j'ai vu, je vous ai dit, près de 150 chiens à Fontenay que j'ai ramassés successivement. Eh bien, ils ne sortaient jamais dans la rue. Ils avaient quand même un collier avec nom et adresse. C'est ce qui m'a permis un jour que la Barbette avait trouvé une fissure dans la clôture, d'être prévenue par une femme du Faubourg Saint-Antoine qui l'avait trouvée et chez qui allait la chercher. Vous imitiez en somme Beaumarchais qui avait une petite chienne qui s'appelait Follette. Oui. Et oh, mais au coup de laquelle clair. Il avait mis « Je m'appelle Mlle Follette, j'appartiens à Monsieur de Beaumarchais ». Oui, oui, oui. Mais voyons. Pour vous, la fourrière est tout de même une institution qui obéit à un souci d'humanité vis-à-vis des animaux. Oui, écoutez, n'est-ce pas, je peux parler de la fourrière, mais je ne parlerai que de celle que j'ai connue rue de Poissy, parce que depuis son installation rue de Danzig, je ne la connais pas. Il y avait dans le bureau de la Fourrière, le bureau de renseignement, vous savez, un immense écriteau, en lettres capitales immenses, le bon gîte. Ce qui, quand on sait ce qui s'y passait, n'est-ce pas, est tout de même une tartufferie sans nom. Oui, mais je crois que la nouvelle Fourrière, justement, ne présente plus les défauts de l'ancienne Fourrière. Ah, ben vous croyez, moi je n'en sais rien. En tout cas, n'est-ce pas, en Angleterre, les animaux ne sont pas dans les caves, ils sont dans une niche. Et devant chaque cage, il y a un petit espace de terrain clos, naturellement, devant, dans lequel l'animal peut s'ébattre. Et j'ai appris, il y a un ou deux ans, par une dame de Lyon, avec qui j'écrivais comme ça, je correspondais de temps en temps, que sur l'inspiration de M. Édouard Herriot, la Fourrière de Lyon est installée sur le modèle anglais. Ce qui me fait donner une très bonne note à M. Édouard Herriot. Voilà. À laquelle il sera certainement très sensible. Oui, oui, et c'est mérité. Ça prouve tout de même, n'est-ce pas? Je comprends qu'il ne fasse pas d'animaux errants, etc. Mais enfin, on peut avoir des procédés un petit peu... Les animaux sont sensibles et ça souffre. Alors, j'ai une anecdote à vous raconter. Au temps où j'étais encore employé du Mercure, j'étais sur le métro. Sur le quai du métro de Fontenay, et j'attendais le métro. Et il y avait là d'autres voyageurs, et je vois un monsieur qui vient vers moi. Très bien. Et je lui dis, il paraît, monsieur, que vous aimez beaucoup les animaux. Comme je ne le connaissais pas, je ne lui réponds pas. Alors, il me dit, il paraît que vous en avez beaucoup chez vous. Comme ça ne le regardait pas, je ne lui réponds encore pas. Et il me dit d'un air charitable, vous savez que c'est très mauvais de vivre avec des bêtes. Je ne réponds encore pas. Et alors, comme pour se faire pardonner, il me dit, je vous dis ça, je suis médecin. Alors là, je lui ai répondu. Je lui ai dit, monsieur, qu'est-ce que vous pensez de l'état dans lequel on est quand on a un médecin chez soi? Alors il m'a dit, je vois que vous êtes un disciple de Molière. Je lui dis, monsieur, je ne sais pas si je suis un disciple de Molière, mais je suis certain que vous êtes un de ces personnages. Maintenant, je vais vous montrer encore qu'on peut être un savant, et je mets ça entre guillemets, parce que vous savez, les savants sortis de leur spécialité. Non, non. Monsieur Georges Beaune, qui habitait dans Marly, qui était professeur au PCN, et vivisecteur, c'est lui qui avait eu cette charité, comme il m'a dit, je n'ai jamais consenti à faire l'expérience du curare dans mon laboratoire. Bon. Alors, quand Jacques Bernard, le successeur de Valette, a eu son accident sur une motocyclette en Normandie, M. Georges Beaune venait tous les soirs m'attendre devant ma grille, j'étais encore près du Mercure, pour avoir des nouvelles. Et un soir, il me dit, cet homme était la niaiserie même sortie de son laboratoire, il me dit, oh, écoutez, c'est très curieux, depuis que nous venons là le soir avec ma femme, vous attendez pour avoir des nouvelles de M. Bernard, tous vos chats sont derrière la grille. On dirait qu'ils connaissent l'heure. Mais je vous dis, monsieur Beaune, ils la connaissent parfaitement. Vous ouvrez les bêtes, mais vous ne les connaissez pas. Notez qu'il n'y avait rien d'extraordinaire que ces chats, et là, les animaux ont la notion de l'heure. Alors, monsieur, je vous dis, monsieur Beaune, je ne sais pas ce qu'il avait comme savant, enfin, c'était un sot du récit de la vie de façon à rire, qui était la niaiserie même. Alors, L'été, il partait dans un coin maritime de la Bretagne, je ne sais plus où, et là-bas, il faisait des expériences sur les huîtres. Enfin, j'ai toujours pensé qu'il y avait une certaine affinité dans cette occupation. Je remarque que vous êtes toujours beaucoup plus dur à l'égard des hommes que vous ne l'êtes à l'égard des animaux. Oui. Et votre bienveillance, votre esprit de charité à l'égard des animaux vous a valu, si je le crois, si j'en juge plutôt... d'après un tableau que j'ai vu accroché dans votre escalier, un diplôme de la Société protectrice des animaux. Oui. Écoutez, il y a des choses encore. Je vous ai dit, n'est-ce pas, que ce sont les gens, les possesseurs de bêtes, qui sont, à mon avis, les principaux fourvoyeurs de la Fourrière. Soit qu'ils ne fassent pas, ils ne prennent pas les précautions nécessaires, ou que, lorsqu'un animal est parti, ils s'en désintéressent. Voilà. Il y a d'autres choses aussi. Il y a les plaisirs que prennent certains gens. Je reçois de temps en temps une revue de haute élégance masculine et féminine qui s'appelle Adam. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ça. Eh bien, n'est-ce pas? Dans deux numéros, on a donné des reproductions photographiques de gens prétendument de la haute société française, qui sont photographiés en hommes victorieux devant des monceaux d'animaux qu'ils ont abattus au fusil. Bon. Eh bien, je trouve ça fâcheux. Si c'est ça la haute société française, vous savez, comme celle qui va au tir au pigeon, avouez tout de même qu'il faut être un sot, qu'il faut n'avoir jamais réfléchi sur les souffrances et les misères de la vie pour prendre plaisir à abattre des pigeons qu'on vous lâche un par un, comme ça, vraiment. À quoi ça arrive, ça? Non. Et j'avoue que... Mais les bêtes abattues dans lesquelles ces chasseurs se posaient pour le photographe, c'était des bêtes dangereuses ou... Non, c'était des perdrix, c'était des lièvres, c'était des comestibles. Voilà, et je vous dis, il y en avait qui avaient des morceaux, n'est-ce pas, des morceaux. Et alors, il y avait monsieur le comte, monsieur le marquis de Lintel, n'est-ce pas. Je n'ai pour ces gens-là que du mépris et du dégoût, ils peuvent le savoir. Ça fait partie du snobisme, plus que de la sauvagerie. Oui, et les chasses de l'Élysée, tout de même. Les chasses de l'Élysée où on vous rabat le gibier à vos pieds. À vos Une pieds. Forme de boucherie mondaine. Oui, mais écoutez, tout de même. Enfin, ne croyez-vous pas qu'il faut n'avoir jamais... la vie est plutôt, n'est-ce pas, un domaine de souffrance, de misère, n'est-ce pas, on s'en aperçoit quand on arrive à un certain âge. C'est la cruauté qui règne partout, n'est-ce pas. Mais je crois que ces gens qui chassent dans ces chasses en battue ne pensent pas à ce qu'ils font. Ils se disent à bien tirer. L'animal est une cible. Je ne les approuve pas, je les désapprouve comme vous, mais j'explique. Oui, mais enfin, écoutez, ça prouve qu'ils ont des moyens intellectuels bien bornés, sinon jamais réfléchis. Je ne sais pas si je vous ai raconté, M. Vallette était un pêcheur enragé, M. Vallette. D'abord, il a toujours choisi sa maison de campagne au bord d'une rivière pour pouvoir pêcher. Et alors, il passait là, c'est dimanche. Bon, j'arrive un lundi. Oh, il me dit, Léoto, ça finit la pêche. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'est venu hier. J'étais en train de pêcher. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit, ça ne doit pas être très drôle d'avoir un absent qui vous traverse. La bouche. Il dit, c'est fini. En effet, on considère toujours les pêcheurs comme des êtres pacifiques oui. et les chasseurs comme des êtres cruels. Oui. Mais les pêcheurs sont aussi cruels. Oui. Avouez que tout de même. Seulement l'animal ne fait pas de bruit. Oui. On ne l'entend pas, on ne le voit pas, on le voit asphyxié lentement. Oui. Mais enfin, avouez que c'était une merveille que cette réflexion soit venue chez cet homme. Tout de même. Eh bien, ces messieurs au tir, aux pigeons et ces chasseurs, ça ne paraît pas leur venir à l'esprit, ça. Non, ça, c'est abominable. J'aimerais savoir, alors, quelles ont été les différentes sortes d'animaux que vous avez recueillis dans votre vie, en dehors des chats, des chiens, de l'oie et de la chèvre. Oui. Vous n'avez jamais recueilli d'oiseaux? Non, Pergaud m'avait confié un merle, je crois. Il avait un merle qui, alors, il m'a donné ce merle à garder. Et puis ce merle a vécu chez moi, et puis il est mort chez moi. Je crois que la meilleure façon de soigner un oiseau, c'est de lui ouvrir sa cage, et je crois que c'est pour ça que vous n'en avez pas. Oui, la cage me fait l'effet d'une prison. Mais il y a un volume de Pergaud qui porte témoignage dans la dédicace de cette affaire de merle. Et vous avez eu également une guenon. Ah oui, je l'ai toujours. Ouais, qui s'est perdue dans un araignée. Elle est arrivée chez vous? Ah oui, par hasard? Hein? Elle est arrivée chez vous comme ça sans que vous l'attendiez? Mais oui, puisque je vous dis, c'était au mois de novembre 34, j'entends les chiens qui aboient au pied d'un marronnier, je vais voir ce que c'est, et alors ils aboyaient en l'air, et la guenon qui était très haut dans le marronnier, les canardait avec des marrons. Voilà. Alors, cette bête, j'ai fini par l'apprivoiser, maintenant elle est chez elle. Elle va chez tous les voisins. Que va-t-elle faire chez les voisins? Mais elle va manger les fruits. Elle va se ravitailler? Elle va manger les fruits. Voilà. Mais cela vous fait rire? Ben oui! Mais le reste, le voisinage est charmant, vous savez. J'ai toujours dit, même quand j'avais beaucoup de chiens, si un animal vous détériore quelque chose, vous vole quelque chose, je paye. Mais ne touchez pas à la bête! Et vous avez souvent payé? Non, on n'a jamais voulu. C'est pas du reste, mes animaux étaient tellement nourris que... Voilà. N'avez-vous pas eu envie, quelquefois, d'acheter un de ces ânes que vous voyez conduire à l'abattoir? Je crois que même aujourd'hui, si je n'avais pas l'âge que j'ai, j'aurais un petit âne pour aller me promener. Pour aller vous promener? Oui. En voiture? Avec un petit panier, oui. Seulement, je ne vois plus clair, n'est-ce pas? Et puis, il faut bouchonner un âne, ça travaille, n'est-ce pas? Vous avez écrit sur les ânes que l'on conduit à l'abattoir une page qui vous rapproche beaucoup de Francis Jammes lorsqu'il parle. Ah non, j'ai parlé d'un âne à l'abattoir. Non, j'ai parlé d'un âne dont j'avais fait connaissance à la gare du Luxembourg. Oui, mais vous parlez aussi de celui-là, mais vous parlez également de ceux qu'on mène à l'abattoir. Ah, non, je ne m'entends pas. À l'abattoir de Vaugirard. Mais vous savez, cet âne du Luxembourg, c'était un âne de chiffonnier. C'est la vérité qu'après 3 jours que je le voyais et que je lui apportais du sucre, il avait dû prendre le sondeur. Quand je l'ai marqué, il tournait la tête vers la sortie. Il me semble que vous avez élevé plus de chats que de chiens. Ça oui. Tient-il à une préférence ou bien simplement non, non, au fait le hasard, chats... le hasard. Les chats sont des animaux moins estimés que les chiens et c'est pourquoi oh, oui. On en trouve davantage oui, dans les rues. Certainement. Et vous avez, je pense, trouvé chez les animaux des différences de caractère oui. Qui ne sont pas perceptibles à ceux qui ne s'y intéressent pas. Oui. Chaque animal avait pour vous sa personnalité. Oui, mais je vous dis, quand j'avais tant de chats, ils étaient libres, la maison était ouverte hiver comme été, n'est-ce pas, toujours ouverte. Eh bien, il y en avait qui couchaient beaucoup qui couchaient sur mon lit. Eh bien, dans l'obscurité, à la réaction que je sentais, sous une caresse, je savais qui c'était. Voilà. C'est un don qui est donné certainement. Mais non, un peu ils avaient chacun leur manière. Il y a, par exemple, l'autre, quand on la caressait, elle se mettait le ventre en l'air. Pitou, lui, il vous gardait la main. Alors, il disait ça, c'est Pitou, ça, c'est l'autre, ça. Voilà. J'ai relevé cette réflexion de vous. On a toujours l'air un peu ridicule quand on célèbre les bêtes qu'on a. Ouais. Comme si elles avaient plus de qualité que les autres. Ouais. Il est pourtant très vrai qu'on fait des animaux quand on s'occupe d'eux, quand on les fait vivre près de soi, quand on les considère ainsi qu'on le doit faire. Il est très vrai qu'on fait d'eux des êtres vivants et sensibles, des êtres merveilleux d'un intérêt inépuisable. Ouais. C'est la vérité, comme pour les enfants. Si vous faisiez vivre un enfant dans la cave, n'est-ce pas, vous en feriez un petit sauvage et un petit être fermé. C'est la même chose de la part du maître, pour ainsi dire. C'est différent du côté de l'enfant, mais c'est la même chose de la part mais non, de celui c'est qui la même chose, c'est s'en pour occupe. Vous montrer que le possesseur d'un être vivant, n'est-ce pas, qui est tout de même inférieur, un enfant est encore une chose inférieure, n'est-ce pas, mais en les prenant, n'est-ce pas, on en fait des choses. Donc un enfant bien pris, dont on s'occupe avec intelligence, peut devenir un être charmant auquel on peut s'attacher. Oui, je ne dis pas le contraire. Bon, eh bien, je crois que si vous vous étiez occupé avec la tendresse des enfants que vous êtes occupé des animaux, non, vous auriez été converti. Je n'aurais pas la patience. Bon. Vraiment. Mais non, je sais très vous bien. Vous voyez qu'on a une patience pour quelque chose et une impatience pour une autre. Ah, n'est-ce pas, je ne suis pas, n'est-ce pas. Étant donné que j'aime vivre seul et que il ne faut pas qu'on soit chez moi, n'est-ce pas, trop souvent, eh bien, ce serait la même chose. Et avez-vous... Donner des noms à toutes ces bêtes. Toutes ces bêtes avaient leur nom. Et des noms différents. Mais oui. Quel effort d'imagination. Mais pas du tout. Plus de 300 bêtes. Mais oui. Ça fait beaucoup de baptêmes. Mais oui. Et j'ai même un plan de mon jardin avec le remplacement des tombes. Oui, vous nous l'avez déjà dit. Oui, mais voilà. Et vous vous souvenez de tous ces noms? Oui. Enfin, oui. Et qu'est-ce qui vous dicte ces appellations? Bon, je ne sais rien. Mais quelquefois, c'était l'aspect, n'est-ce pas? Voilà. L'aspect, ouais. Par exemple, le chat que j'ai connu chez vous et qui s'est perdu, ce qui vous a fait beaucoup de peine, le chat chinois. Pourquoi ouais. L'avez-vous appelé ainsi? Non, sérieux. Ouais. Mais je me rappelle avoir une chatte qu'on l'appelle tricolore, n'est-ce pas? Eh bien, elle avait le visage absolument comme si elle avait été fardée. Je l'ai appelée Chata. Elle était charmante, mais elle avait absolument l'air de cette midi noire autour des yeux et du jaune sur les joues. Enfin, catin. Et certaines de ces bêtes ne vous ont-elles pas laissé plus de souvenirs que d'autres? Oui. Comme font les humains? Oui. On pourrait le croire parce qu'il y a certains passages de vos œuvres qui se rapportent à plusieurs animaux et de préférence à ces animaux-là. Vous parlez beaucoup de singes, le ouais. Griffon, ouais. De Lolotte, la ouais. Chatte, et aussi de... Mademoiselle Barbette, ouais. Une petite chienne barbet que vous avez trouvée près du pont du Carrousel. Ouais. Alors, oui, j'ai écrit quelque chose, tu vois, là. Ouais. Ben, si vous voulez le lire... Ouais. Mademoiselle Barbette, qui ne voudrait pas 20 francs au marché aux chiens, elle est plus beau du monde en tant que chien. Les premiers temps ont été un peu difficiles. Mademoiselle Barbette était toute jeune, pas encore un an. Elle dévorait tout. Quand je rentre le soir, quand je mets le papier par terre, en miettes, j'ai cherché dans mes coins de quoi la satisfaire, sans porté dommage. J'ai trouvé les ballades de M. Paulfort. 10, 15, 20 volumes, plus même, avec de nombreuses plaquettes. On sait l'importance de l'œuvre de ce grand poète. J'ai donné tout cela à Mademoiselle Barbette. Un volume ou une plaquette par jour ou tous les deux jours, selon sa voracité. Elle a été enchantée. Pas un feuillet n'a subsisté. On a rarement vu une œuvre littéraire être appréciée à ce point. Ainsi, ce texte vous procure finalement l'occasion d'exprimer votre indulgence infinie à l'égard des bêtes, même les plus enfants terribles, et d'exprimer en même temps votre scepticisme à l'égard des œuvres humaines. On dirait que votre bonté pour les unes doit être compensée par une espèce de virulence dont vous gratifiez les autres. Et cette fois-ci, on peut admettre que vous avez eu la dent aussi dure que Mademoiselle Barbette, et que vous n'aviez pas comme elle l'excuse de l'ignorance. Ouais. Bon, du reste, vous savez, c'est plutôt une plaisanterie qu'un sentiment réel à l'égard de Paulfort que je n'ai jamais eu. Oui, mais ce sont des plaisanteries qui marquent quand elles sont écrites, oui. Et qui ne font jamais très plaisir à celui qui en est l'objet, ou plutôt la victime. Car en somme, vous ne voulez pas que les animaux soient des victimes, mais que les hommes le soient, cela vous importe fort. Ils peuvent se défendre. Et j'en arrive à vous entretenir de votre activité de chroniqueur dramatique. Cette activité qui, de 1908 à 1923, a complété celle de secrétaire au Mercure de France. Pouvez-vous me dire comment vous envisagiez ce métier? Quels sont pour vous les devoirs du critique dramatique? Je n'ai jamais eu de principe de critique. Il n'y a jamais eu au théâtre pour moi que ce qui me plaisait ou ce qui me déplaisait. Je n'ai jamais été, enfin, comment dire, un doctrinaire. Enfin, je n'ai pas doctriné. Il ne faut pas ennuyer le public, voilà tout. N'est-ce pas? Voilà. De même pour les livres, il ne faut pas. Le premier des talents pour quiconque tient une plume, c'est de ne pas être ennuyeux. Voilà. Le devoir de l'auteur dramatique, c'est de ne pas ennuyer le public. Mais... Et même le critique, c'est aussi de rendre compte des pièces sans être sans être ennuyeux. Sans être ennuyeux. Mais enfin, n'estimez-vous pas que le critique a vis-à-vis de lui-même un devoir, ce qui est le devoir de sincérité? Eh bien oui, mais je l'ai toujours dit. Et alors, n'estimez-vous pas non plus que ce devoir de sincérité est quelquefois dangereux quand la sincérité va avec un naturel passionné, ce qui est votre cas? Oui. Je n'ai jamais éreinté une pièce dont je pensais du bien, jamais. Oui, vous n'avez jamais contrefait votre jugement en fonction de considérations amicales ou au contraire d'hostilité. Jamais. Donc, je ne connaissais personne à cette époque-là, je ne connaissais... J'ai toujours refusé de... Je me rappelle quand j'ai pris la critique dramatique, je succédais à Hérold et j'ai débuté, je trouvais une pièce à la durée, il était avec moi. Il a voulu me présenter aux écrits. J'ai dit, je vous en prie, j'ai besoin de connaître personne. Pas. Alors j'ai fait mes chroniques dramatiques d'abord pour mon plaisir et toujours sans aucun souci, ou d'amitié, ou de relation, ou d'hostilité. Nous en arrivons ainsi à la notion de critique subjective. Vous êtes donc partisan de la critique purement subjective. Oui, je vous dis, je n'ai jamais été guidé que ça me plaît, ça me plaît pas. Mais vous ne vous êtes jamais dit, cette pièce ne me plaît pas, mais peut-être pourrait-elle plaire. Ah, ça m'est égal, ça. Non. Oui, c'est donc la critique subjective. Oui. Maintenant, vous savez, j'ai écrit une autre fois, je ne sais pas où, que certainement, si j'avais connu quelquefois l'auteur d'une pièce dont j'ai écrit Pitpendre, n'est-ce pas, il aurait pu produire que cet homme me dise, écoutez, n'est-ce pas, naturellement, ma pièce n'est pas un chef-d'œuvre, n'est-ce pas, je le sais bien, comme vous le savez, n'est-ce pas, bon, enfin, j'ai fait ce que j'ai pu. Et alors, je dis, au lieu de mes férocités, de mes moqueries, de mes ironies, je me sens peut-être contenté de dire, l'auteur a fait ce qu'il a pu, n'est-ce pas? Il n'a pas pu grand-chose, ben, tant pis pour lui, voilà, n'est-ce pas? Vous auriez tout de même obéi à un sentiment d'indulgence. Ben, non, de compréhension. Mais la compréhension amène à l'indulgence. Oui, j'aurais dit, vous n'avez aucun talent, j'ai pas de bonne faute. Il faut reconnaître que vous avez peu souvent obéi à ce désir de ménager. Et votre critique, c'est ce qui frappe quand on lit vos textes, votre critique est tout à fait personnelle et vous ne donnez pas l'impression d'avoir d'autres passions que celle de la sincérité, mais cette sincérité ne va pas toujours de pair, j'en ai l'impression, avec l'objectivité. C'est ce qui fait que vos critiques sont très intéressantes, très captivantes, parce que On y trouve votre tempérament autant que celui de l'auteur, même peut-être davantage. Mais enfin, c'est une critique qui peut prêter à critique. Ouais, maintenant vous savez. Et vous l'avez reconnu très souvent. J'ai eu affaire à des auteurs qui étaient parfaitement méprisables. Par exemple, M. Robert de Flers, qui faisait ses pièces avec des emprunts à droite et à gauche et un esprit de salon qui était la niaise elle-même. Et j'en regrette bien à cette époque-là. Je vous dis, les pièces de M. Robert de Flers qu'il y avait étaient faites d'emprunts, d'imitations. Et j'en regrette bien à cette époque-là, quand j'ai écrit que le théâtre de M. Robert de Flers recueillerait un jour tout le mépris qu'il mérite, quoi de l'Académie française, j'ai bien regretté à cette époque-là d'avoir oublié que M. Robert de Flers descend d'un espèce de détrousseur célèbre en Normandie qui s'appelait Robert de Flers de la Motango. Et j'aurais dit, quand on descend d'un corsaire, j'aurais mis ça, en effet, au chaparral. Il aurait été plus exact de dire quand on descend d'un pirate, car un corsaire... Oui. C'est un navigateur plus noble. Ah oui, bon. Il y avait aussi, par exemple, le théâtre de M. Bataille, le théâtre de M. Romain Colus, le théâtre de M. Portoriche. Adieu, mes larmes préférées, n'est-ce pas? La complicité des heures chaudes, je me rappelle ça. Mais n'avez-vous pas toujours éprouvé de la difficulté à vous mettre en route pour écrire vos chroniques dramatiques? Je n'ai jamais eu la difficulté que de la première phrase. Voilà, il fallait que je trouve ma première phrase. Après, ça courait. Et n'avez-vous pas non plus ressenti, après tant d'années de critiques, une impression de lassitude? Non, non, mais pas du tout. Vous étiez blasé? Non, ça n'existe pas chez moi, ça. Et cependant, il y a un texte de vous qui exprime cette impression. Vous dites, je deviens trop difficile, trop exclusif, je le sens bien. Je suis en matière de théâtre comme ces gens qui se piquent depuis longtemps à la morphine et qui doivent sans cesse augmenter la dose pour sentir encore quelque chose. Je n'ai jamais écrit ça. Vous avez écrit ça dans le... en avril 1913, et ces phrases sont contenues dans le tome 1 de vos chroniques de Maurice Boissard, page 173, je les ai là sous les yeux. 1913, ça. Ah, 1913, c'est un moment de votre sincérité. Ouais, bon. Et quelles sont pour vous les qualités essentielles que doit comporter une pièce de théâtre? Moi, je n'ai jamais aimé que ce qui est naturel, vrai, rapide, ce qui rit avec légèreté, ce qui est sensible sans déclamation, hardi avec esprit, ce qui s'exprime dans le langage de la causerie, ce qui peint la vie et les hommes tels qu'ils sont. Je pense que le théâtre se fait avec des répliques et non avec des couplets de livres, plus ou moins savants ou plus ou moins poétiques. Vous semblez donc préférer la comédie à la tragédie. Oh, la tragédie! Le théâtre, à son origine, c'est un loustique à la langue bien pendue qui imitait ou contrefaisait ses camarades, savait inventer des farces et faisait rire. Le théâtre, c'est le plaisir, c'est le rire, la fantaisie, l'imagination, la répartie vive, le tour inattendu, le trait prompt et pénétrant, l'irréel et la vérité à la fois, l'observation qui s'amuse et se répand très comique, le mouvement, la farce, au besoin même, la bouffonnerie. C'est ce qui fait que Molière et Shakespeare, qui procèdent si bien du véritable théâtre, sont si grands, et Racine et Corneille si ennuyeux, en même temps que si faux, par leurs pompes et leurs ornements. Je ne regarde pas à me répéter. Rien n'est plus étranger à notre théâtre que la tragédie avec ses tirades, son vocabulaire héroïque et ampoulé. Nous ne sommes pas un peuple romantique, solennel, déclamatoire, tout l'opposé, sceptique, railleur, mesuré. Je me passe fort bien pour moi de Corneille et de Racine, surtout de l'odieux Corneille. J'ai même cette opinion. Rien n'est plus contraire à l'esprit, au caractère de notre théâtre que les tragédies de Corneille et de Racine. Qu'ont de commun avec notre légèreté, notre vivacité, notre sens de la réalité des choses, notre émotion tempérée, notre inaptitude au désespoir, nos qualités satiriques, notre promptitude à changer de sentiment, nos dons comiques, notre clairvoyance des ridicules, ces héros solennels, ampoulés et bavards. Je suis sur ce sujet de l'avis de Crébillon le fils, qui regardait la tragédie française comme la farce la plus complète qu'ait pu inventer l'esprit humain. Et dans ce texte, vous condamnez la tragédie classique, oui. Et je remarque que cette condamnation est basée sur un fait assez peu courant dans l'esprit de ceux qui jugent la tragédie. Ce fait est que pour vous, la tragédie est trop romantique, ce qui est pour le moins original et peu universitaire. Je remarque aussi que vous dites que le français ne peut pas aimer la tragédie parce qu'il est mesuré. Jusqu'à présent, on avait toujours prétendu que la tragédie était le modèle de la mesure. Cela prouve que vous n'admettez pas les idées les plus solidement ancrées et que vous reconsidérez tout selon vos propres conceptions. Et je me demande si finalement, ce qui peut paraître à beaucoup de l'ironie ne contient pas une part de vérité et ne pourrait constituer la matière à de très belles dissertations françaises. Dans ce texte que vous avez lu tout à l'heure, vous avez rapproché Molière de Shakespeare. Pouvez-vous expliquer en quoi ces deux génies vous paraissent, dans des genres si différents, représenter le meilleur théâtre? Quelle différence faites-vous entre le tragique des pièces cornéliennes et raciniennes et celui des drames shakespeariens? Mais je trouve que le théâtre de Shakespeare a la même origine que le théâtre de Molière, la source populaire. Et je crois même que dans le théâtre de Shakespeare, vous trouvez une ironie qui souvent n'a pas été suffisamment décelée. Et que dans Hamlet, cette pièce où pourtant le tragique triomphe, vous voyez une gouaille qui vous a beaucoup séduit. C'est-à-dire que je vois dans la pièce, mais jamais, à mon avis, on a joué Hamlet en France comme on doit le jouer. Et quelle est d'après vous la façon dont on doit jouer Hamlet? C'est qu'il y a en effet de la gouaille dans le personnage d'Hamlet. Même à son égard. Quand il a tué Polonius d'un coup d'épée dans le cabinet où Polonius écoutait la conversation, et qu'il va le chercher, qu'il dit « cet homme va faire de moi un portefeuille », c'est de la raillerie. Mais je crois que le mot raillerie, le mot causticité, serait plus exact que le mot gouaille. Oui. Mais alors, sur la scène du théâtre français, c'était tragique la façon dont Mounet disait « cet homme va faire de moi un portefeuille ». Mais vous n'avez pas vu Jean-Louis Barrault dans le rôle d'Hamlet? Non, je crois que ce comédien ne me plairait pas parce qu'il est extravagant. Mais je ne l'ai pas vu. Il a certainement mis beaucoup plus de vérité dans le personnage que jusqu'à présent on avait su en mettre. Non, c'est rien. Moi, j'ai vu jouer Hamlet par Mounet Sully, je l'ai vu par Sarah Bernard, je l'ai vu par Suzanne Després. Mais je voudrais savoir ce qui, dans le théâtre de Molière, vous paraît se rapprocher du théâtre de Shakespeare. Je vous dis, la même source populaire. Uniquement cette même source populaire. Ouais. Parce que il n'y a pas chez Molière le côté quelquefois un peu, enfin, divers jusqu'à l'extrême qu'il y a chez Shakespeare. Dans la même pièce de Shakespeare, n'est-ce pas, il y a des passages de drame et puis des passages de vaudeville, par exemple. Mais vous qui dites ne pas aimer le tragique et tous ces événements excessifs, ces épisodes extrêmes, ces intrigues bouleversées, bouleversantes, eh bien, il me semble que dans le théâtre de Shakespeare, vous en avez de constants exemples. Elles sont exprimées plus véridiquement parce qu'elles n'ont pas la pompe des tragédies françaises. Quand il y a chez Shakespeare un personnage furieux, il est vraiment furieux, il n'est pas en alexandrin. Vous dites dans l'un de vos textes que vous avez lu tout à l'heure, que rien n'est plus contraire à l'esprit et au caractère de notre théâtre que les tragédies de Corneille et de Racine. Quelles sont donc les pièces qui, d'après vous, correspondent le mieux au caractère et à l'esprit du théâtre français? Je vous pose cette question, je devine que vous me répondrez Molière. Non, mais même avant Molière, le théâtre de Tréteaux. Le théâtre du Pont-Neuf est plus français que les tragédies de Racine. C'est ça, Tabarin est plus dans la veine française que Racine et Corneille. Du reste, vous savez, je ne suis pas seul à avoir cette opinion. Certainement pas. Non, mais il y a eu enfin des grands écrivains qui étaient de mon avis. Alors vous avez l'impression que la tragédie correspond à un moment de la pensée française? Non, je trouve que c'est un ornement d'une époque. C'est donc une mode? Oui, si vous voulez. Qui ne correspond à rien de profond et d'instinctif dans l'esprit français? Oui, et puis alors, n'est-ce pas, il y a des longueurs, il y a des ornements tout à fait inutiles. Par exemple, quand Bérénice dit « Pour jamais, Seigneur, songez-vous en vous-même, combien ce mot cruel est affreux quand on aime. Dans un an, dans un mois, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mères me séparent de vous, que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que de toujours je puisse voir Titus. » C'est très joli, en effet. C'est très joli, moi. Mais tout ça pour dire, cher ami, avez-vous pensé, on va plus voir. L'art dramatique a toujours consisté à dire d'une certaine façon ce que d'autres avaient dit d'une autre façon. Pas du tout. Quand Célimène dit à Alceste, mais de tout l'univers, vous devenez jaloux. Alcette, c'est que tout l'univers est bien reçu de vous. Hein, bonsoir, et rien que ça. Oui, mais le ton n'est pas le même. Allons donc. Au théâtre, c'est ça. La vérité du langage, sans développement. C'est le théâtre de Beck. Quand Beck passait des après-midi devant sa classe à jouer ses personnages jusqu'à ce qu'il trouve les répliques dites comme n'importe qui dans la rue les aurait dit. Mais il y a pourtant, chez Corneille comme chez Racine, de ces réparties qui jaillissent. Non, c'est que vous vouliez-vous qu'il mourait ou qu'un... Non, c'est de la bouffonnerie, n'en parlez pas. Oh non. Et vous aimez la bouffonnerie? Ah oui, mais... La vraie. Je ne l'aime pas en Alexandrin. Non, et puis vous savez, Corneille, ma sœur, voici le bras qui venge nos deux frères. Avec le même cœur que j'égorgeais le frère, j'égorgeais... Vous dites que vous n'aimez pas la bouffonnerie en Alexandrin, cependant, Molière a usé beaucoup de l'Alexandrin, et il est souvent bouffon d'une façon très spirituelle. Il est bon, et il est sobre, et il est un langage ordinaire. Remarquez que je pense tout à fait comme vous, je ne voudrais pas me faire le défenseur, parce que Molière, je n'aime pas. Le verre de Molière, c'est presque de la prose. Non, mais j'estime que vous avez une opinion un peu excessive, contre Corneille et Racine. Il n'y a que les opinions excessives qui comptent. Alors j'espère que vous allez avoir une opinion très excessive, dans l'admiration, sur Marivaux, Beaumarchais, que vous allez nous l'exprimer. Ah oui, bon, je tiens Beaumarchais pour autre chose merveilleuse. Oui, là, l'émerveillement est en effet un sentiment assez excessif dans votre bouche. Non, et puis c'est jeté, c'est brillant. Non, vraiment, c'est une merveille. Merveille. Puis la Comédie française sait jouer ça, vraiment. Et dans Beaumarchais, qu'appréciez-vous particulièrement? Les deux, le barbier de Séville et le mariage. Non, mais quelle forme d'esprit est-ce, le langage, est-ce la vivacité des mots? Oui. Les caractères? Le corbeau, si vous voulez. Et puis regardez, il n'est jamais question chez Beaumarchais de beau style. On peut dire que la grande tirade de Figaro est écrite sans aucun lien entre les phrases. Ça n'empêche pas que c'est une merveille de spontanéité. Et je crois qu'au-dessus de Marivaux et de Beaumarchais, vous placez Molière. Oui, enfin, Beaumarchais, pour moi, tout de même, nom d'une pipe, c'est quelque chose. Et parmi les personnages de Molière, n'en est-il pas un pour qui vous avez une particulière prédilection? Alceste Tartuffe. Le misanthrope, vous l'avez reconnu souvent lui-même, c'est un peu, c'est beaucoup, vous. Et le jugement d'Alceste par Alceste, ne peut pas manquer d'intérêt, ni de saveur. C'est pourquoi je vous demanderai de lire un texte que vous avez consacré à celui dont vous pensez être et dont vous êtes peut-être réellement un reflet. On connaît le paradoxe de Rousseau. Alceste représente la vertu. On doit rire de lui, donc on doit rire de la vertu. Mais non, ce n'est pas de la vertu qu'on rit, c'est des façons qu'il apporte à combattre en sa faveur. Alceste doit faire rire comme un homme qui se met trop facilement en colère après les travers et les ridicules. Il est l'homme qui a raison, et il doit faire rire par contraste avec nous-mêmes qui avons notre nature faite de tous les défauts qui choquent, et y ajoutons cette prétention de trouver que c'est nous qui sommes bien ainsi, et que c'est lui qui est un butor et un maladroit dans sa franchise et dans son mépris des conventions sociales. Il doit faire rire encore par la mine que font ses victimes sous ses coups de boutoir. Tenez. Le misanthrope, c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un fréquente une maison dans laquelle fréquente également une vieille fille seule, cancanière et bavarde, dont le signe particulier est à la lettre celui-ci, qu'elle ne répète pas moins de 6 fois de suite chaque détail de sa conversation. C'est quelqu'un que je connais qui n'est pas bavard, qui a horreur de certaines sociétés, qui est pour qu'on dise en 3 mots ce qu'on a à dire et sans rien déguiser, il ne peut la supporter. Quand il est là et qu'il arrive, il se renfrogne, et attend avec la patience qu'elle ait fini et il débarrasse. L'autre jour, après qu'elle avait parlé pendant une demi-heure, le voyant muet, elle s'approcha de lui. « Et vous, monsieur, qu'en pensez-vous ? » Il leva un peu la tête. « Moi, madame, lui répondit-il, j'aime le silence. » Elle prit le chemin de la porte et la maîtresse de la maison qui l'avait accompagnée « Est-il malhonnête ? » dit-elle. Le misanthrope, c'est encore ce même quelqu'un que je connais. Il aime la simplicité. Il a horreur des compliments. Il a aussi peu de vanité qu'on en peut avoir. C'est un de ses mots favoris. On a du talent comme d'autres sont bêtes. Ça n'y aide pour rien. Il n'y a pas là de quoi se pavaner. Il a aussi horreur de ces coups d'encensoir qu'on se prodigue aujourd'hui entre gens de lettres. de ces témoignages d'admiration qu'on se donne mutuellement si facilement. C'est encore à ce propos un de ces mots. On se demande vraiment, devant tous ces encensements, lequel est le plus niais de celui qui les prodigue ou de celui qui les reçoit et s'en rengorge. Après ce que vous venez de dire des encensements entre gens de lettres, je me sens moi-même gêné pour exprimer tout le bien que je pense de votre analyse du caractère d'Alceste. Et cependant, je tiens à dire que ce sont des pages de cette qualité, et elles foisonnent dans votre œuvre de critique, qui vous ont valu d'être considéré pendant plus d'un quart de siècle comme l'un des censeurs, peut-être les moins indulgents du théâtre en France, mais assurément comme l'un des plus subtils et les plus originaux. Parmi les personnages créés par Molière, quels sont ceux qui, après le misanthrope, pour lequel vous avez un penchant immodéré par suite de sa ressemblance avec vous-même, quels sont ceux qui vous intéressent particulièrement? Que vous en fassiez le modèle de certaines vertus ou au contraire, que vous nous les montriez comme les types accomplis de certains défauts? Il y a Tartuffe et Arnold de l'école des femmes. Voilà. Ce sont les personnages qui vous ont le plus captivé. Au premier plan. Mais j'imagine que les caricatures de Vadius, de Trissotin, ont dû vous réjouir. Ah oui, les précieuses ridicules, c'est merveilleux. Vous qui êtes le contraire du précieux, ouais. Vous avez dû apprécier cette satire des précieux comme Acaste et Clitandre. Ouais. Et j'imagine aussi que les femmes savantes, les Bélises, les Philamintes vous donnent certainement de grosses satisfactions de misogyne. Oui, mais enfin j'aime mieux les personnages d'hommes. Et Chrysale, c'est un personnage... Oui. Par certains côtés, pourrait vous ressembler. Ouais. Orgo, le Tartuffe, est aussi un personnage qui me plaît beaucoup. Le père Léoto avait joué ça dans sa jeunesse. Mais ne croyez-vous pas que certaines reparties de Chrysale pourraient être placées dans votre bouche? Peut-être, oui. J'ai l'impression que, par exemple, cette phrase « Je vis de bonne soupe oui. » dans de beau langage, c'est une phrase que vous auriez prononcée si vous vous étiez marié. Oui, je peux avoir en moi du bourgeois comme ça, oui, certainement, je le pense, oui. Oui, du reste, ça m'aurait été bien pénible d'avoir une femme qui soit comme ça, une précieuse et plus ou moins écrivante. Ouais. Vous auriez préféré une femme qui ne s'occupe pas de littérature absolument. Et qui ne vous comprenne pas? Oh oui. Vous auriez préféré qu'elle vous comprenne en faisant une bonne cuisine? Oh, la cuisine ne m'intéresse pas. Mais je dois avouer que même aujourd'hui, j'ai plus de plaisir à parler avec des artisans que des gens de lettres. Je suis fatigué des conversations littéraires. Ben, je suis au regret de ne pas être un artisan et de parler avec vous de littérature. Ouais. Mais je voudrais encore vous poser une question au sujet de la littérature. Je voudrais savoir si cette phrase de Martine, dans Les Femmes Savantes, ne vous plaît pas particulièrement. Quand on se fait entendre, on parle toujours bien, dit-elle. N'est-ce pas une phrase que vous auriez pu vous-même prononcer? Oui, le reste qu'il y a là-dedans, c'est tout à fait exact. Oui. Et parmi les personnages de femmes, il en est un, c'est Célimène, qui doit être pour vous l'exacte image de la femme telle que vous la redoutez. Oui. Une sorte de fléau, d'autant plus dangereux qu'il est séduisant. Ah oui, mais il y a une marge tout de même. Je ne sais pas. Je ne sais pas si Célimène avait les agréments du fléau. Mais je précise toujours que le fléau est le surnom que vous avez donné à une de vos amies. C'est ça, ouais. Mais nous en revenons ainsi à la victime de Célimène, au misanthrope. Ne considérez-vous pas le misanthrope comme une pièce parfaite? C'est-à-dire une pièce qui sait unir les éléments de construction, de pensée, de sensibilité et de style. Oui, absolument. Absolument. Du reste, vous savez que Sacha Guitry a souvent exprimé, cette envie, si vous voulez, irréalisable, d'avoir écrit Misanthrope. Et vous-même, vous avez dit au sujet du Misanthrope, voilà la pièce la plus idéaliste qui soit. Oui. Que je l'ai toujours aimée. Les larmes me viennent chaque fois que je la vois jouer. Même seulement à la lire, mon émotion est grande, aussi grande que mon admiration. Admiration pour son fond, admiration pour sa forme. Vous avez écrit ceci en 1921 et je pense que vous ne reniez pas ce que vous avez écrit. Non. Ainsi, le misanthrope vous émeut, c'est vous-même qui le dites, vous l'insensible, il vous émeut jusqu'aux larmes. Ouais. Et cela vous paraît être la preuve de la puissance et de la perfection du misanthrope. Et de la vérité, surtout. Mais pourtant, vous avez écrit, il n'y a de vrai théâtre que le théâtre comique. parce que le comique, c'est toute la vie. Comment conciliez-vous cette émotion étreignante et ce désir de comique? N'est-ce pas? Il est comique pour le public ordinaire, mais comme Arnolphe aussi. Arnolphe est un personnage grotesque à entendre, enfin, par les spectateurs. Moi, j'ai dû jouer l'école des femmes, n'est-ce pas? Eh bien, j'étais dégoûté du rire qu'il y avait autour de moi pour ce personnage, en fait, qui est presque un personnage tragique, oui. Donc, pour vous, le misanthrope reste une pièce comique seulement en surface? Oui. Oui, il est impossible de trouver cet homme comique qui a raison sur toute la ligne. Et c'est justement ce comique qui parvient à vous étreindre parce qu'il émane de grands sentiments en but aux tracasseries de la vie quotidienne. Mais oui! Et qui sont tournés en ridicule, non pas par Molière, vous l'avez dit d'ailleurs, ouais, mais par les hommes. Oui. Et alors, est-ce qu'il ne faut pas trouver dans votre apparente contradiction une illustration nouvelle de cette réflexion que vous avez déjà faite souvent? Homme bouffon, homme triste. Oui. Ainsi, vous paraissez, une fois de plus, très peu conformiste, sinon paradoxal. Vous ne prenez pas au sérieux les tragédies, elles vous ennuient ou vous donnent envie de rire. Oui. Et les comédies, même en jouées, vous donnent parfois envie de pleurer, car elles vous paraissent cachées sous un aspect aimable le fond triste de la vie. Certainement. Mais si toutes les tragédies vous rebutent, vous ne vous laissez pas captiver par toutes les comédies. Non. Pourriez-vous dire quels ont été les auteurs de comédies qui, dans votre carrière de critique dramatique, ont su vous séduire? Vous m'avez déjà dit votre admiration pour Beaumarchais, pour Marivaux. Ouais. Mais pourriez-vous dire quels sont les dramaturges du 19e qui ont votre approbation? J'avais Mirbeau. Non, ce Mirbeau est de la fin du 19e. Enfin, il est presque un auteur contemporain. Enfin, Les affaires sur les affaires était une pièce vraiment, enfin, de mœurs. J'aimerais que vous parliez du théâtre romantique. Non. Il ne trouve pas grâce à vos yeux? Non, rien du tout. Même quand j'étais enfant, les pièces d'Hugo ne m'impressionnaient pas. Mais je ne pense pas qu'après avoir condamné le théâtre classique pour ces situations trop romantiques, vous condamniez le théâtre romantique pour excès de classicisme. Non, mais... D'abord, le vocabulaire de Hugo, n'est-ce pas, est pour moi une langue barbare. Hernani, Ruy Blas, les Burgraves vous ennuient? Et puis je trouve ça mal écrit. Quand Ruy Blas fait la scène au ministre et qu'il parle du pays qui cuit pauvre oiseau plumé dans la marmite informe. Une marmite n'est jamais informe, voyons. C'est comme dans Les Faits divers, depuis on a adopté ça. Un monsieur coupe une jeune femme en morceaux, il la enferme dans une malle, la malle devient tragique. Mais non, l'action est tragique, la malle n'a rien de tragique. Eh bien, c'est du vocabulaire de Victor Hugo. Et pourtant, on trouve dans Victor Hugo, on trouve ce mélange du comique et du tragique que vous avez parfois senti et aimé chez Shakespeare. Oui. Mais je vous ai dit, chez Shakespeare, ça a toujours une veine populaire, une base de vérité. Que vous ne trouvez pas dans les drames romantiques? Pas du tout. Qui vous paraissent trop littéraires? Mais non, mais l'histoire de Ruy Blas et Hernani, tout ça, c'est de la fable, c'est de la pure invention. N'y a-t-il pas au 19e des auteurs qui aient su écrire les pièces comme vous les aimez, c'est-à-dire vives, spirituelles, avec des caractères bien dessinés, des traits satiriques, et où l'ironie se cache? Vous avez dit dans vos chroniques, vous avez dit beaucoup de bien de Beck. Ah oui, Beck, oui. Oui, ça, je l'oublie. Oui, ça, Beck, oui. La navette est une petite merveille. C'est là-dedans qu'il y a cette réplique... Un amant arrive chez sa maîtresse et elle lui sert une scène tellement extravagante et injustifiée que le malheureux prend il dit « j'en reviendrai un autre jour » et il s'en va. Alors cette femme a cette réflexion, c'est curieux. Je l'ai pourtant adoré cet homme, comme les hommes changent. Avouez que c'est merveilleux. C'est merveilleux. Vous trouvez là justement cette ironie qui cache en profondeur une amertume. Oui, et puis la bêtise féminine. C'est une femme qui dit, c'est curieux comme les hommes changent alors que c'est elle. Vous avez dû apprécier également Henri Monnier. Oui. Qui est de la même veine que oui, Beck. Oui. Mais tout le théâtre présenté par Scribe, Émile Augier, Dumas, ne vous intéresse pas? Émile Augier, je suis surpris de l'abandon qu'on fait d'Émile Augier. Dans L'Aventurière, vous savez, il y a... Pour un homme comme Auger, il y a un auteur très hardi. très hardi quand cette courtisane, n'est-ce pas, qui est introduite dans, chez un seigneur, enfin, bourgeois, tout ça, et que la fille de ce seigneur a l'air scandalisée de la présence chez elle de cette espèce d'aventurière, n'est-ce pas, de courtisane, n'est-ce pas, et que la courtisane lui flanque un discours où elle dit où elle veut la leçon de la médiocrité de cette jeune fille qui n'a jamais manqué de rien, qui vit dans un milieu sûr, n'est-ce pas, et que vraiment elle a tort de faire de la morale comme ça, si ignorante qu'elle soit, n'est-ce pas. Ça, vous savez, c'était, à cette époque-là, c'était énorme. De même que le fils de Giboyer, quand le marquis d'Aubry, n'est-ce pas, devant tout ce qui se passe, dit « crève donc, société », vous savez, à cette époque-là. Il y avait de la hardiesse. Et je trouve qu'on a tort de considérer, enfin, de complètement oublier aussi, on ne joue plus rien de lui, n'est-ce pas. Quelquefois, j'ai envie d'écrire à la Comédie française en disant « enfin, voyons, vous oubliez un auteur qui tout de même a été hardi, courageux, et même non-conformiste, souvent, bien supérieur à Dumas fils. » Et dont les situations dramatiques ont de l'attrait. Ah oui. Mais à cheval sur deux siècles, voici trois auteurs dont j'aimerais que vous nous parliez. C'est tout d'abord Mirbeau, dont vous avez prononcé le nom tout à l'heure, Labiche et Courteline. Je ne connais rien de Labiche. Courteline ne m'intéresse pas. Comment se fait-il que Courteline ne vous intéresse pas, étant donné qu'il se rattache véritablement à la lignée des auteurs imprégnés de Molière? Je ne trouve pas du tout. J'ai vu jouer Bobourage, non. C'est surfait. Vous y trouvez le comique, mais vous n'y trouvez pas la profondeur. C'est inventé, n'est-ce pas? Ben justement, c'est un peu charme. Non, ce qu'on apprécie justement chez Courteline, c'est que c'est justement extrêmement véridique, très près de la réalité. Écoutez, vous étonnerez beaucoup d'auditeurs en disant dans que... Quand cette femme peut enfermer son amant dans une armoire, vous avouerez tout de même que c'est un peu chargé. Ouais. Mais ça n'est pas chargé, ça peut arriver. Oui. Nous arrivons maintenant au XXe siècle. Si en lisant les centaines de pages de critiques que vous avez écrites, j'ai pu relever certaines constantes dans le domaine des idées, par exemple, votre répulsion pour le mythologique, l'antique, et au contraire, votre attirance pour la comédie. Je dois dire que, pour ce qui est des auteurs, ces constantes m'ont paru très difficiles à trouver. Vous manifestez, en effet, vis-à-vis des dramaturges, une inconstance qui est le reflet de votre fidélité à votre seul principe de sincérité. Vous n'aimez ou ne détestez rien par principe. Le préjugé favorable ou défavorable, pour vous, n'existe pas. À chaque nouvelle pièce d'un même auteur, tout est remis en question pour lui. Et vous le faites trembler. Le dithyrambe peut suivre un éreintement, à moins que ce ne soit l'inverse. Mais ne vous serait-il pas possible, néanmoins, de préciser quels sont les auteurs qui, d'une manière générale, vous ont paru le plus éloigné du théâtre que vous aimez et ceux qui s'en sont rapprochés le plus? Commençons, si vous le voulez bien, par les auteurs que vous avez désapprouvés. Ouais. Je vous ai déjà dit, n'est-ce pas, que je n'ai pas fait de la critique dramatique en vertu de principes bien établis, d'un canon, n'est-ce pas. Non, je n'ai jamais jugé les pièces que si elles me plaisaient ou me déplaisaient. Et, enfin, au point de vue de la langue, par exemple, n'est-ce pas. Mais finalement, il arrive que l'on se rende compte que toutes les pièces qui vous ont plu obéissent à certains principes. Même si vous n'avez pas obéi à un principe, avant de les juger. Bah, mon goût demeure le même, n'est-ce pas? Il est bien certain que quand je me trouvais devant le charabia de plusieurs auteurs, ma réformation, ma réaction était la même, n'est-ce pas? Des gens comme Ferce Caillavet, des gens comme Coluche, des gens comme Bataille, des gens comme M. Portorich, n'est-ce pas? Pour moi, non. Comme Léo Lardier? Ah, Léo Lardier, ça c'est de l'autre chose. Léo Lardier, je pense que c'est un roman antique à l'autre rose, en fait. Le Victor Hugo de la rue de Tournefort, l'avez-vous appelé? Oui. Ça, n'est-ce pas, vous comprenez que j'ai vu jouer... Qu'est-ce que j'ai vu jouer un jour une pièce en vers de lui, naturellement, où son personnage, il y avait une femme qui disait, qui soupirait le bonheur, et alors l'autre répond, le bonheur est à l'ombre d'un lilas. Vous avouez, n'est-ce pas, moi j'ai dit, regardez, comme c'est facile d'être heureux, vous n'avez qu'à prendre un pied de lilas, vous mettrez son ombre. Ah, ça n'est pas si facile que ça. Ouais, enfin, alors avouez tout de même, n'est-ce pas, voilà. Mais il y a un autre auteur que vous n'aimez pas, d'après ce que vous dites dans vos chroniques, et dont nous n'avons pas parlé tout à l'heure, bien qu'il fasse lui aussi partie de la fin du XXe siècle, c'est Georges Feydeau. Que lui reprochez-vous, Alfredo? Je n'ai pas vu beaucoup de pièces de Georges Fiedler. C'est pourtant un des constructeurs les plus adroits. C'est entendu, mais peut-être n'ai-je vu qu'une pièce de lui. Et cette pièce, c'était ceci. Deux fêtards, rentrent, ayant ramassé, je ne sais où, une femme extrêmement séduisante, mais masquée. Et alors, ils ont dit, on va l'emmener, on boira le champagne avec elle, enfin, ce sera délicieux, n'est-ce pas? Et alors, ils sont là sur la scène. Et alors, les propos galants, les propos aimables, et les jolis airs de cette femme se déroulent. Et enfin, ils lui disent, bon, enfin, enlevez votre masque. Enfin, après cette fête bien priée, cette malheureuse enlève son masque. Elle a 60 ans passés. Et alors, les deux hommes la couvrent du colibet. J'ai trouvé ça. C'est répugnant, il a un tel mauvais goût, n'est-ce pas? Oh non. Mais vous avez trouvé ça cynique? Oh, je trouve ça abject! Mais pourquoi? Comment? Voilà une femme. Ils sont là tous les deux en vue de la charité, n'est-ce pas? Quand ils s'aperçoivent que cette malheureuse a 60 ans, ils la couvrent de colibets et de moqueries sur son physique et sur son art. Allons donc, c'est une malpropreté morale. Vous ne trouvez pas? Ah si, je le trouve, mais je voulais vous le faire dire parce que vous prétendez toujours que rien ne vous choque dans les sentiments même les plus excessifs. Ah oui, mais enfin, écoutez, la grossièreté et la goujaterie tout de même. Non, ça va. Mais je suis surpris de vous voir avoir par moments ces réactions, car vous avez tout de même écrit, c'est vous qui l'avez écrit. Quand mon père était en train de mourir, je prenais une bougie pour voir le rictus qu'il avait en face mais de la mort. Mais c'est pas la même chose. Et je prenais un crayon et mais je rédigeais mes impressions. Mais c'est pas la même chose. Il y a là tout de même un cynisme qui est... Mais c'est pas... Si vous voulez, mais en fait, il y a... Pas dire autre qui chose. Est un cynisme? C'est un cynisme. Qui est une sécheresse de cœur? Je veux bien, mais il n'y a pas de goujaterie. Il y aurait goujaterie si votre père s'en était aperçu, mais vous aviez l'impression qu'il ne s'en apercevait pas. Mais même s'il s'en était aperçu, c'était pas de la goujaterie, c'était de l'irrespect, si vous voulez. Mais c'était pas de la goujaterie. Il faut tout de même savoir le sens des mots. En tout cas, la réaction de ces hommes, si elle est goujate, est une réaction très humaine. Non! Je maintiens vos goujateries. Fédou l'a eu... Mais on ne peut pas condamner un auteur dramatique parce qu'il représente des goujats, ça ne veut pas dire qu'il approuve cette... Je ne ferai pas une pièce comme ça. Au contraire, il a réussi puisqu'il est arrivé à vous donner une espèce de... Oui, mais de tout le monde dans la salle rigolait. Pas vous? Non, pas moi. Vous, au contraire, vous étiez affecté. Oui, j'étais écœuré. Mais il voulait peut-être obtenir cet écœurement, justement. De même que je me rappelle, dans ma jeunesse, j'avais un ami, n'est-ce pas, qui avait d'abord pour maîtresse une femme que j'avais... Enfin, il était très jeune, cette femme avait... 15 ans, 20 ans plus que lui. Et alors, quand il a changé de maîtresse, n'est-ce pas qu'il a plaqué cette malheureuse femme qui était folle de lui, n'est-ce pas? Il est arrivé quelquefois, lui, écoute, regarde-moi donc avec tes cheveux verts, n'est-ce pas? Eh ben non, on ne doit jamais servir de choses comme ça à une femme. C'est immonde. Oui, mais ce que sert un homme à une femme n'est pas la même chose que ce que sert un auteur dramatique. Il ne prend pas pour son compte cette goujaterie, ouais. Il représente des goujats. Eh bien, n'est-ce pas, moi, je garde mon avis, et je suis sûr qu'en ce moment-ci, n'est-ce pas, je ne vais plus au théâtre, mais je suis sûr que le théâtre actuel, n'est-ce pas, a beaucoup de porcherie morale comme ça sur la scène. Fédou ne m'a conquis qu'un jour, à propos de la guerre de 1914, je l'ai mis dur et dans une chronique aussi. On a organisé une enquête auprès des notabilités littéraires, comme ça, avoir l'opinion sur la guerre. Et Fédou a dit, « Oh, un homme comme moi ne se mêle pas de juger de pareils événements. Ça, c'est bien. C'est le seul qui se soit rendu compte que, mon Dieu... Ne pensez-vous pas qu'il n'osait pas simplement exprimer son jugement? Non, je le crois. Son jugement n'était peut-être pas assez conformiste et il pensait que ça lui attirait des aides. En tout cas, n'est-ce pas, il a donné une leçon à beaucoup de gens qui tranchaient, n'est-ce pas, comme s'ils avaient été sur le champ de bataille. Si on vous avait posé cette question, vous auriez répondu ce que vous pensiez. Oui, mais moi je l'ai écrit ce que je pensais dans une chronique dramatique. En tout cas, ce que vous pensez de Fédot n'est guère favorable, puisque ce que vous aimez en lui, c'est l'homme pour une réflexion. Oui. À l'heure actuelle, Georges Fédot est certainement l'un des auteurs comiques les plus appréciés des jeunes, et les efforts que Jean-Louis Barrault a fait pour le remonter l'ont fait beaucoup apprécier. Ah, ouais. Vous connaissez le livre du père? Non. Fanny, une merveille. Bien supérieur à Madame Bovary. Mais si vous trouvez un jour la famille de Fédot, là, c'est merveilleux. Merveilleux. Eh bien, je suivrai votre conseil certainement. Il y a deux auteurs sur lesquels vous vous êtes particulièrement acharné. Ce sont deux auteurs d'ailleurs maintenant très peu connus, Alfred Savoire et Fernand Nozière. Ah oui, bah, ils avaient tous les deux beaucoup de talent. Mais vous en avez dit beaucoup de mal. Ah non. Ah aussi. Non, non, non, j'ai dit beaucoup de bien du baptême, qui était une pièce sur les juifs, où on voyait un père juif avec son enfant juif, et j'ai dit, c'est d'autant plus remarquable, cette pièce de messieurs Alfred Savoire et Nozière, qui s'appelle « L'un veille et l'autre Posnansky ». Oui, c'était une ironie, ça. Mais pas du tout, c'était une révélation. Alors, je ne veux pas rechercher ce Savoir, texte que j'ai sous beaucoup les yeux, mais... Beaucoup de talent. Je ne sais pas s'il vit toujours. Quant à Nozière aussi, elle avait beaucoup de talent. Mais je remarque que vous avez maintenant plus d'indulgence avec le temps que vous n'en avez eu en écrivant vos chroniques. Et comme je viens de les relire, je suis plus renseigné que vous à ce sujet. Je me ramollis sans doute. Vous adoucissez, c'est autre chose. Porto-Riche, lui, n'a pas eu de chance avec vous. Ah non. Ni Maurice Donnet. Oh, c'est pourtant un homme bien spirituel. J'ai pourtant parlé de... D'une pièce qui s'appelle Les Éclaireuses, dont vous avez dit grand mal. Ah oui, mais comment s'appelle la pièce... célèbre Amant. Amant, il y a des choses... Si, j'en ai parlé avec... Avec une certaine sympathie. Oui. Sans chaleur. Ah oui. Et cependant, vous avez des admirations très chaleureuses. Mais avant d'arriver à ces admirations, je voudrais vous demander pourquoi... Pourquoi vous avez tellement éreinté, le mot n'est pas trop fort, Paul Claudel après avoir vu l'échange? Parce que pour moi, c'est inconsistant. En 1914. Oui, c'est inconsistant. Vous dites de Claudel, il n'est qu'un rhéteur et d'une rhétorique souvent fort défectueuse et même rugueuse. Oui. Vous continuez à avoir cette opinion? Oui, je me suis rencontré par l'occupation avec un officier allemand sur ce point. Il y avait un officier allemand qui achetait au Mercure toutes les œuvres de Claudel. Alors on était venu le chercher dans Bordeaux parce qu'il désirait avoir la bibliographie de Paul Claudel et qu'il ne savait pas où la trouver. Et alors je lui dis, vous aimez beaucoup Paul Claudel. Là, il m'a dit, ya. Alors je lui dis, oui, vous ne trouvez pas, il y a dans le style de Paul Claudel quelque chose de dur parler germanique. Il m'a dit, oui, c'est ça. Vous voyez, c'est ça. Et c'est ce que vous n'aimez pas? Non, je n'aime pas. Il n'y a qu'une pièce de Paul Claudel que j'ai trouvée très belle dans une certaine version. C'est l'annonce faite à Marie. Et justement, l'annonce faite à Marie, vous n'en avez pas parlé dans vos chroniques. Je l'ai oublié. J'en ai fait un compte rendu. S'il n'y a jamais une réimpression, qu'on le mette à sa place. Mais ce sera certainement un oubli qu'il sera intéressant de voir réparer. Enfin, revenons-en à l'annonce faite à Marie et dites-nous, si vous le voulez bien, ce qui vous a ému dans cette œuvre. Enfin, je ne sais pas, une certaine religiosité, puis enfin, c'est exprimé, vraiment, il y a des choses très belles au point de vue du style. Vous ne trouvez pas, dans le style de l'annonce faite à Marie, cette rugosité germanique, dites-vous, non, que vous trouvez dans les autres œuvres? Oui. Je n'ai pas l'impression que le style de l'annonce faite à Marie soit tellement différent du style des autres œuvres de Claudel. Mais cette révélation, n'est-ce pas, je ne sais plus comment... Je ne me rappelle plus les personnages, quand cette femme enfant donne un enfant mort. Mara qui est ressuscité. C'est très beau, n'est-ce pas? C'est certainement, n'est-ce pas, une invention religieuse, mais enfin, c'est très beau tout de même, c'est très beau, très touchant. Vous avez l'air d'apporter une réserve, vous dites, c'est beau, bien que ce soit religieux. Non, parce que, n'est-ce pas, le miracle, on peut être touché au récit d'un miracle, au fond. Quand on regarde, on dit... Et vous avez été touché par la représentation du miracle sur la scène. Oui. Ce qui prouve Par le commentaire des personnages. Ce qui prouve que Claudel n'est donc pas tellement éloigné du génie latin dont vous êtes un représentant vous-même. Oh, vous savez, j'ai encore lu dans le Figaro un article de Claudel sur le Panthéon, je trouve ça... Enfin, un article sur le Panthéon n'a rien à voir avec des œuvres dramatiques. Ouais. Des œuvres dramatiques qu'on a écrites quand on avait 30 ans et un article qu'on a écrit quand on en a 82. Ouais, c'est peut-être l'influence du Panthéon qui a rendu cet article si terne et si inanimé. Parmi les auteurs que vous appréciez, il en est un dont je voudrais que vous parliez. C'est Sacha Guitry. Ah, ouais, Sacha Guitry m'a toujours enchanté. Voilà. tout en me rendant compte que, n'est-ce pas, c'est un esprit, enfin, facile, souvent. Oui, vous dites de lui, il ne veut que nous distraire. Ouais. Et c'est justement cela dont vous lui savez gré. Oui, il y a une pièce qu'on jouait, une pièce qui s'appelle Les Deux Couverts, la Comédie Française, que j'ai écrit, si M. Sacha Guitry voulait s'en donner la peine, cette pièce prouve qu'il pourrait donner une grande pièce de caractère. Et à ce sujet, vous parlez même de Molière. Ouais. La comparaison qui a dû beaucoup flatter Sacha Guitry. Vous avez aimé de lui également Un Beau Mariage, La Pèlerine Écossaise, La Prise et de Verbenzoum. Et de Bureau. Ah ouais. Pour vous, Sacha Guitry est donc un auteur dramatique qui doit demeurer. Ça, je n'en sais rien. Parce que tout de même, n'est-ce pas, c'est très léger. C'est très léger. L'esprit de Sacha Guitry est très... Enfin, il est rare qu'il y ait de la profondeur. Par exemple, il y a une pièce, n'est-ce pas, où un de ses amis entre en scène, quoi que ce soit, la Pèlerine Écossaise. Alors, ce garçon a une redingote ou un veston où il y a des boutons comme ça, n'est-ce pas. Alors, le personnage que joue Sacha Guitry dit, tiens, bonjour, ben, t'en as des boutons. Et alors, le type se précipite vers la glace, croyant que... Voilà, vous avouez, n'est-ce pas. Oui, l'esprit est souvent fait de mots d'esprit. Oui. Mais vous ne ressentez pas devant les œuvres de Sacha Guitry l'émotion que vous donne, par exemple, que vous a donné Poil de Carotte. Oh, Poil de Carotte ne m'a jamais plu. Mais alors cette fois-ci, vous dites le contraire de ce que non, vous dites. Non. Je n'ai pas pu faire un compte-rendu dithyrambique de Poil de Carotte. Non, pas dithyrambique, mais un compte-rendu affirmant que vous aviez été ému par ce personnage. Oh, c'est curieux, ça. Mais si, Poil de Carotte est un... Oh, un enfant insinu, qui peut émouvoir une âme sensible. Non. Et est-ce que dans Tristan Bernard, vous avez eu l'impression de trouver sous la causticité, sous l'humour, cette profondeur que vous ne trouvez pas chez Sacha Guitry? Ah oui, oui, Monsieur Kodama était une pièce extraordinaire. Et puis alors... Et Triple Patte. Triple Patte. Mais Monsieur Kodama est une pièce étonnante, c'est une pièce amorale au possible, présentée d'une façon merveilleuse. Parmi les autres auteurs que vous dites apprécier, je relève le nom de Roger Martin Dugard. Ouais. De Duvernoy. Ouais. Il est un auteur dramatique à qui vous n'avez pas ménagé les compliments et dont vous aviez déjà parlé en termes favorables dans vos morceaux choisis des poètes contemporains. C'est François Porcher. La guerre qu'il venait de vivre inspira à François Porcher sa première œuvre dramatique, Les Buteurs et la Finette, représentée au Théâtre Antoine en 1917. C'est une œuvre écrite en vers libres et d'une inspiration populaire au meilleur sens du mot. Et ici, je cite ce que vous dites dans votre compte-rendu. Une belle œuvre dramatique, la première certainement, comme une véritable surprise, nous est née de la guerre actuelle, ce sont Les Buteurs et la Finette, de M. François Porcher. Nous n'avons pas là, comme dans les pièces récentes de M. Bataille et de M. Bernstein, une anecdote passionnelle ou une affaire d'adultère plus ou moins bien adaptée dans le cadre de la guerre, comme elle aurait pu l'être dans n'importe quel autre cadre. C'est vraiment une œuvre inspirée à son auteur par la guerre, une œuvre qui n'aurait pas été écrite sans elle et dans laquelle nous la voyons évoquée devant nous dans une grande image légendaire et harmonieuse. Ce n'est pas suffisant de dire que M. Porcher montre dans Les Buteurs et la Finette un très grand talent de poète. Il y montre également, ce qui est souvent rare actuellement, dans la passion et l'aveuglement qu'ont créé les événements, une très grande probité et une belle générosité. Cela fait qu'en même temps qu'on applaudit l'écrivain et l'artiste, on apprécie l'homme qui a fait la guerre et on salue son équité. Cet effort vers l'équité chez François Porcher, vous l'avez surtout apprécié dans un monologue de La Finette, où se révèle une égale compassion pour tous les combattants morts. Vous avez manifesté le désir de lire ce texte. Je vous donne donc la parole. Oui, j'ai tenu à lire ce passage parce que je trouve qu'il pourra enfin me servir de leçon un peu à tous les gens, n'est-ce pas, qui gardent une passion haineuse pour les gens avec qui ils ont fait la guerre, sans se rendre compte que des deux côtés, n'est-ce pas, il y a de pauvres types qui laissent leur peau dans des histoires dont ils ne savent pas le premier mot. Alors c'est très beau tout de même qu'un homme comme Porcher, qui du reste sentait ça lui-même profondément, il n'y a pas de chiquet là-dedans, c'est sa nature, n'est-ce pas, eh bien, il est très beau qu'il l'ait exprimé. Alors, n'est-ce pas, comme vous venez de le dire, les Buteurs et la Finette, c'est la Finette, c'est la France, les Buteurs, ce sont les Allemands. Alors, n'est-ce pas, la Finette, un jour, parcourt ces terres où il y a de nombreux morts inhumés, et elle parle. Cela se passe en 1914, je crois. 1914, oui. Tout est muet. La lune brille. Je venais là, petite fille, en avril, cueillir la jonquille. Comme le temps s'enfuit. Je reviens, j'ai grandi, quel effrayant mystère. Ma nourrice est morte et le rocher lui, Dieu, que la face de la terre a d'énigme la nuit. Comme elle est grave et close, détournée, on dirait de la plus juste cause, hélas. Qu'importe au brouillard froid qui là-bas dorme sur la combe que l'innocente vive ou succombe. Qu'importe nos fureurs, qu'importe nos effrois, la calme façon dont la lune est posée ici dans la rosée. Mais à mes pieds, dans l'herbe, ah, que vois-je ? Une croix, une tombe, une autre encore, et là, deux, trois, oh, terre molle, remuée. Je me croyais seul avec les nuées, je marche au milieu des morts. On s'est battu là. Pauvre corps. Ces croix portent des noms écrits en lettres blanches. J'ai de bons yeux, voyons, si je pouvais les lire en écartant les branches sous ces pâles rayons. Oh, force ensevelie en quelques coups de pelle, comment te nommais-tu ? Réponds-moi, je t'appelle. Redressé tout à coup. Paul Miron ? Ah, mon Dieu ! Mon garçon jardinier ? Un frère de François ? Paul ? Oui, l'avant-dernier ? André ne m'a rien dit. Le pauvre enfant ignore. Paul, si bavard, qui dès l'aurore riait, chantait à plein gosier. Paul qui disait, je laisse au vigneron la prose, moi je travaille dans la rose. Je suis le maître du rosier. Et maintenant, celui que la rose et arrose. Un cœur si gai peut-il mourir ? Non, j'en ai l'espérance. Va, sans joyeux, cours refleurir dans la plus belle rose. De France. Elle se penche une seconde fois. Et celui-là, son nom, Rousseau, un inconnu. Ah, comment était-il les dames et d'apparence. Et là, je ne sais point. C'est le héros tout nu, celui qui frappe et meurt, signal convenu, le guerrier sans visage, à la pure bravoure, grandi par l'ombre qui l'entoure. Et cet autre à l'écart, comme s'il voulait fuir. Quel est ce solitaire ? Otto ? Otto ? Quoi ? Non, je ne peux pas finir. Un soldat étranger ici dans cette terre ? Mes fils, inspirez-moi. J'ai peur, je ne sais plus. Blâmez-vous mes paroles. Peut-être que nos cris vous semblent bien frivoles. Dois-je prier aussi dans ce sombre talus ? Prier pour l'ennemi. Seigneur, oh, quelle épreuve! J'entends. Ce mort est un soldat. C'est exilé sans doute à sa mère et sa veuve. Qu'a-t-il fait que servir, que remplir son mandat? Vos sorts étaient égaux, votre fin fut pareille. Vous ordonnez qu'en paix comme vous il sommeille. Dormez donc tous, bercés du même vent plaintif. Vous, mort de la famille, et toi, mort adoptif. Combattants rapprochés par l'honneur militaire, qui montiez à l'assaut, orgueilleux d'obéir, dormez tous, à ce point détaché de la terre, que vous ne sachiez plus haïr. Vous avez lu ce texte avec beaucoup d'émotion, une émotion communicative. Ouais, et je comprends pourquoi vous l'aimez, ce passage. Oui, je n'ai pas toutes ces histoires, je n'en suis pas guéri. Ce texte est l'expression poétique de sentiments fraternels que vous éprouvez vous-même profondément, mais que vous exprimez plus prosaïquement et avec une telle virulence contre l'instinct belliciste des hommes que parfois, si l'on y prenait garde, on pourrait croire que vous manquez de cet esprit de fraternité dont, justement, vous êtes le défenseur. Vous avez tendance à dire « Les hommes sont absurdes de se battre entre eux, les hommes sont mauvais plutôt que les hommes sont malheureux d'en être réduits à se faire la guerre. » Est-ce que je me trompe ? J'ai toujours pensé que, n'est-ce pas, en temps normal, il n'y a pas en Allemagne un homme qui veut tuer un Français, ni en France un Français qui veut tuer un Allemand, n'est-ce pas ? Mais rentrons maintenant, si vous le voulez bien, dans un autre champ clos, celui de la critique dramatique. Ouais. où là, vous n'avez pas été très pacifiste. Après avoir parlé des auteurs que vous n'aimiez pas, puis de ceux que vous aimiez, peut-être pourrions-nous parler de l'un de ceux que vous avez passé sous silence. Il s'agit d'Edmond Rostand. Estimez-vous que le discrédit que la jeunesse actuelle porte sur son œuvre est mérité? Je parle de la jeunesse qui se pique de littérature moderne, non de la jeunesse populaire qui, elle, continue à aimer Edmond Rostand. Vous savez, là, si vous parlez de la jeunesse littéraire née depuis la Libération, n'est-ce pas, il n'y a pas seulement de Rostand qu'elle se moque. Elle se moque bien d'autre chose, n'est-ce pas, enfin, je crois que, à commencer, elle se moque de la langue française. C'est-à-dire que la langue française évolue et que elle ne s'en moque pas. Enfin, il s'agit non pas de la jeunesse, mais d'Edmond Rostand. Ouais. Bon, eh ben, je n'ai vu dans ma vie qu'une pièce d'Edmond Rostand, c'est Cyrano de Bergerac. Et vous n'étiez pas encore critique dramatique? Non. Oui, puisque Cyrano de Bergerac a été joué en 1897. Ah ouais, ben, je n'étais pas critique dramatique. Mais je suis étonné que vous n'ayez pas vu Chanteclerc, qui a été représenté en 1910, et qui a été certainement l'un des événements les plus importants dans le théâtre du début du XXe siècle. Ouais, je ne l'ai pas vu. De ces pièces que tout le monde attendait avec une grande impatience et dont tout le monde a parlé, sauf vous. Bah, peut-être n'étais-je pas critique dramatique. Si, vous l'étiez, c'était en 1910. Ah, mais j'ai eu des interruptions de temps en temps. Ouais. Mais vous avez tout de même une opinion sur Edmond Rostand, et j'aimerais que vous l'exprimiez. Ah ben, n'est-ce pas, si je considère Cyrano de Bergerac, je trouve que c'était un très beau spectacle, et le dernier acte merveilleux. Maintenant, n'est-ce pas, je suis retourné, je crois que c'est en 1939, à la Comédie Française, voir Cyrano de Bergerac, qu'on jouait. Alors, j'avais derrière moi, j'étais au balcon, j'avais derrière moi, dans une loge de balcon, la veuve du beau-fils de Mounet Sully, André Glande. Et alors, elle était là avec une dame, et alors, elle a eu ce mot, n'est-ce pas, en écoutant. Oh, la poésie déborde. Alors, je me suis retourné, je lui dis, madame, non, dites que c'est brillant, dites que c'est, enfin, une jonglerie merveilleuse, mais la poésie, c'est pas ça, la poésie. C'est pas la poésie. Et vous appréciez Cyrano de Bergerac, qui est une œuvre essentiellement romantique, alors que vous n'aimez pas les pièces romantiques. Ah, écoutez, il y a une différence, il y a une gaieté dans... Pourquoi romantique? Non. Et Cyrano de Bergerac est véritablement le type du héros romantique qui unit à la fois le grotesque et le sublime. Oui, mais enfin, c'est comme si vous disiez que Braville est un romantique. Bon, il l'est par certains côtés. Non, quand on est un poète de jonglerie, de jeux de mots, n'est-ce pas, et d'opposition vive, on n'est pas romantique. Hugo a été aussi un poète de jonglerie et je suis étonné de voir que vous aimez chez Edmond Rostand justement ce que vous n'aimez pas chez Victor Hugo. Mais il n'est pas question d'amour. J'ai trouvé un agrément. Ah, vous appréciez, oui. Oui, enfin, un agrément. Je crois que Rostand ne s'est jamais donné d'autre objectif que celui-là. C'était Entretien avec Paul Léoto. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léoto, Robert Mallet, réalisés par Georges Godbert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale les 15, 19, 22 et 26 février 1951. Notez que ces entretiens sont édités au Mercure de France. Demain, à la même heure, dans les Nuits de France Culture, la suite. The dead,